contre moi. Je ne voyais que toi dans le reflet de la nuit sombre. Parfois on se cognait, les autres rigolaient. L'ambiance était toujours aux amoureux, tout autour dans la salle. On prenait une table, on parlait tous ensemble. Et toi, tout près de moi, sans comprendre, je m'approche de toi. Tu faisais quelques pas dans un tango qui te ressemble. Un violon qui jouait, l'accordéon dansait, quelques notes s'envolaient. Autour de nous, la vie paraissait tendre. Parmi les gens qu'on aime, au regard que l'on traîne, comme une chanson d'amour. Tu fredonnais à chaque fois des airs qu'on chantait autrefois. Tu racontais des jours heureux où l'on peut vivre à deux. De café, un verre de vin à nos idées, c'était notre bonheur. L'amour nous emportait, nos rêves s'accrochaient pour nous laisser le temps de vivre. Le chat nous observait et nous, on s'asseyait devant la cheminée, juste à côté. Chacun prenait son verre, on souriait sans cesse. Nos amours, nos tendresses cachaient notre univers. Chacun prenait son verre, on souriait sans cesse. Nos amours, cachait notre univers.